Guillaume se met à rire. Une malédiction. Oui, regarde, Guillaume, une malédiction. Oh là là, tu es en train de devenir tout pâle. Hé, hey, Paul, tu ne vas pas croire à ces histoires. Ce que tu peux être bête. Je veux rentrer à la maison, je ne me sens pas bien. Sur le chemin du retour, une longue limousine noire apparaît au coin d'une rue. Arrivée à la hauteur des deux camarades, elle ralentit. La vitre du conducteur s'abaisse. Une forme blanche est au volant. Guillaume, attention ! La voiture ! Quoi ? Quelle voiture ? Tout à coup, la limousine accélère. Guillaume, qui se trouve trop près de la chaussée, tombe. Tu t'es fait mal ? Demande Paul inquiet. Guillaume se relève et se touche la tête. Non, je crois que ça va. Tu sais, Guillaume, je commence à avoir peur. La malédiction, c'est peut-être vrai. Arrête de penser à ça. Tu deviens ennuyeux. Tu as peut-être raison. Les deux amis reprennent leur promenade et bavardent tranquillement. Soudain, un vent très violent se lève. Paul et Guillaume se mettent à courir pour aller s'abriter sous un porche. Eh bien, tu parles d'une tempête, fait Guillaume. C'est vraiment étrange, j'ai du sable dans les cheveux. Un bruit terrible les fait sursauter. Un pot de fleurs vient de tomber d'un balcon. Il s'écrase aux pieds de Paul. Ouf, dit Paul. Heureusement que le pot ne nous est pas tombé sur la tête. Instinctivement, il lève la tête. Guillaume, regarde sur le balcon, le chat. Le chat? C'est sûrement la déesse Bastet, dit ironiquement Guillaume. Tu vois, j'en suis sûr maintenant. La voiture, le sable, le pot de fleurs, le chat, c'est trop. C'est la malédiction de tout Canis. Qu'est-ce qui va nous arriver encore?